fête le disque d'or et la victoire de cette musique qui vend même avec des discours durs. On a eu droit au rap bise, rap tendance, rap violence, mais qu'on se dise. Ce truc a une histoire, les qu'on dise. On a de l'éphémère dans l'or, la chaîne qui brise. Si je te parle des vraies tendances, c'est leur donner du crédit. Regardez en arrière ce qui se passe, c'était prédit. Et dire qu'on était une génération sacrifiée. Avoir un pige, être bête sans but, c'est ça qu'il kiffait. Capable du meilleur comme du pire, mais pire. On a prouvé qu'on est les meilleurs. Je lève mon verre et signe de mon stylo bic au Black Blamber qui ont fait de moi Bacardi au Mike. Je lève mon verre au SA et aux autres clics. Le message devant l'ennemi, jamais abdiqué. À nous la victoire, que ce temps passe et lève vers le haut. Que nos messages fassent vibrer tous les mecs et haut. Que la vie nous épargne tous ces gros overalls. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. À nous la victoire, que ce temps passe et lève vers le haut. Que nos messages fassent vibrer tous les mecs et haut. Que la vie nous épargne tous ces gros overalls. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. Les portes de la vie s'ouvrent à ceux qui savent les pousser. Et arsenic ont pété un carreau. Bacardi est passé à travers les barreaux. Avec les nègres marrons en l'an 2000, on fait le bilan. On a fait les choses, on a su anticiper. En posant la pierre, on propose plus. On s'impose, c'est impromptu. Qu'ils essayent de causer, aujourd'hui on peut disposer. C'est du bon cru pour les adeptes. Sans être trop cru pour les ados, je milite pour nos ruines au ghetto. Plus on grimpe, des médias veulent nous détruire. Même au plus bas, on a de la force pour reconstruire. La force vient d'en bas et on se mobilise. Les jeunes derrière nous, comme le peuple derrière Moïse. Je suis peut-être là au moins dans le désespoir, mais je veux créer avec vous. À nous la victoire. À nous la victoire, que ceux d'en bas s'élèvent vers le haut. Que nos messages fassent vibrer tous les mecs et houles. Que la vie nous épargne tous ces mauvais rôles. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. À nous la victoire, que ceux d'en bas s'élèvent vers le haut. Que nos messages fassent vibrer tous les mecs et houles. Que la vie nous épargne tous ces mauvais rôles. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. Le rap, c'est l'histoire d'une génération qui maintenant génère des sous, mais avant tout fait péter le son. La merde, on l'a respiré, ça nous a inspiré. J'espère que les jeunes tiendront compte de notre expérience. Je passe au flambeau au MC qui quadrille. Le terrain genre marginal et l'escadrille. Grillez pas les étapes, on assure vos arrières. Si tu capes pas le manège, tu brilles. On brille par notre élégance, y'a des mots et des cris pour nos fans en abondance. L'histoire nous a fait, on recrée l'histoire. Le rap fait ses victoires, fallait le vivre pour y croire. Fallait le vivre pour y croire. À nous la victoire, en 2000, et pour toujours, l'avenir nous appartient. À nous la victoire, que ceux d'en bas s'élèvent vers le haut. Que nos messages fassent vibrer tous les mecs et houles. Que la vie nous épargne tous ces mauvais rôles. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. À nous la victoire, que ceux d'en bas s'élèvent vers le haut. Que nos messages fassent vibrer tous les mecs et houles. Que la vie nous épargne tous ces mauvais rôles. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. À nous la victoire, que ceux d'en bas s'élèvent vers le haut. Que nos messages fassent vibrer tous les mecs et houles. Que la vie nous épargne tous ces mauvais rôles. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. À nous la victoire, que ceux d'en bas s'élèvent vers le haut. Que nos messages fassent vibrer tous les mecs et houles. Que la vie nous épargne tous ces mauvais rôles. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. Plus de frontières, ni barrières, ni barreaux. En 2000, à nous la victoire.